septembre. Notre amour d'un été tristement se démembre et se meurt au passé. J'avais beau m'y attendre, mon cœur vide de tout ressemble à s'y méprendre. À Paris, au mois d'août, de larmes et de rires était fait notre amour. Qui redoutant le pire vivait au jour le jour. Chaque rue, chaque pierre semblait n'être qu'à nous. Nous étions seuls sur terre à Paris. Dire je t'aime aussi loin que tu sois, une part de moi-même reste accrochée à toi et l'autre solitaire recherche de partout l'aveuglante lumière de Paris au mois d'août. Dieu, fasse que mon rêve de retrouver un peu du mois d'août sur tes lèvres de Paris. Notre amour un peu fou pour que tout.